J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Petit Parisien, 8 août 1923. Quand ce matin le Biskra, qui naguère transportait des moutons d'Alger à Marseille, et maintenant promu au rang de paquebot annexe dans la mer des Antilles, eut jeté son ancre devant Port d'Espagne, les passagers de tous crins et de toutes couleurs, chinois, créoles, blancs, indiens, entendirent, ou auraient pu entendre, le commandant Maguero crier de sa passerelle « Non, non, je n'ai ni barre, ni menottes, ni armes, je n'en veux pas !» En bas, sur la mer, 11 hommes blancs et 2 policiers noirs attendaient dans une barque. C'étaient 11 Français, 11 forçats évadés, repris, et qu'on voulait rembarquer pour la Guyane. Les autorités anglaises de Trinidad, insistant pour se débarrasser de cette cargaison, on vit arriver peu à peu un canot qui portait le consul de France. « La prison de Port d'Espagne n'en veut plus, et moi je ne puis pourtant pas les adopter. Gardez-les, commandant !» fit le consul. Alors le commandant cria aux 2 policiers noirs « Faites monter !» Les 11 bagnards ramassèrent de misérables besaces et un par un, jambes grêles, gravirent la coupée. 4 étaient sans savates. Chic et araignées de mer avaient abîmé leurs pieds. Les surveillants reconnaissaient les hommes. « Tiens, dit l'un d'eux, te voilà. Tu te rappelles, c'est moi qui ai tiré 2 coups de revolver sur toi il y a 3 ans quand tu t'évadas du camp Charvin. » « Oui, répondit l'homme. Je me rappelle, chef. Allons, venez, dit le gardien de première classe au ventre convexe. Les hommes suivirent. Par une échelle, ils descendirent au 3e, et on les mena tout au bout du bateau, au-dessus de l'hélice. À la fin de l'après-midi, comme il était 6 heures et que nous longions les côtes de Trinidad, quittant le pont supérieur, je descendis par l'échelle des 3e, et à travers la pouillerie ambulante des fonds de paquebot, je gagnai le bout du Biskra. Les 11 forçats étaient là, durement secoués par ce mélange de roulis et de tangage, baptisé casserole. « Eh bien, leur dis-je, pas de veine. » On recommencera. Sur les 11, 2 seulement présentaient des signes extérieurs d'intelligence. Les autres, quoique maigres, semblaient de lourds abrutis. 3 d'entre eux, ayant découvert un morceau de graisse de bœuf, s'en frottaient leurs pieds affreux, en répétant « Ah, ces vaches d'araignées crabes !» Mais tous réveillaient en vous le sentiment de la pitié. On aurait voulu qu'ils eussent réussi. D'où venez-vous? De Cayenne? Mais non, de Marienbourg, en Guyane hollandaise. On s'était évadé du bagne depuis 18 mois. On travaillait chez les Hollandais. On gagnait bien sa vie. Alors pourquoi avez-vous pris la mer? Parce que le travail allait cesser et que les Hollandais nous auraient renvoyés à Saint-Laurent. Tant que les Hollandais ont besoin de nous, tout va bien. Ils nous gardent. Ils viennent même nous débaucher du bagne quand ils créent de nouvelles usines, nous envoyant des canaux pour traverser le Maroni, nous donnant des florins d'avance. C'est qu'ils trouvent chez nous des ouvriers spécialistes et que ce n'est pas les nègres qui peuvent faire marcher leurs machines. Mais depuis quelques années, ils sont sans cœur. Dès qu'un homme est inutile, ils le livrent. C'est la faute de quelques-uns d'entre nous qui ont assassiné chez eux, à Paramaribo. Les bons payent pour les mauvais. Et alors? Alors pour gagner la liberté, nous nous sommes cotisés, les 11. Nous avons acheté une barque et fabriqué les voiles avec de la toile de sac. C'est au Venezuela que nous voulions aller. Au Venezuela, on est sauvés, on nous garde. On peut se refaire une vie par la bonne conduite. Il nous fallut 9 heures pour sortir de la rivière. 2 jours après, nous devions voir la terre, le Venezuela. On ne vit rien. Le lendemain, on ne vit rien non plus. Mais le soir, nous avons eu juste le temps de ramasser les voiles. C'était la tempête. Sans être chrétiens, nous avons tous fait plusieurs fois le signe de croix. Au matin, on vit la terre. On se jeta dessus. Des Noirs étaient tout près. « Venezuela ou Trinidad » crions-nous. « Trinidad !» C'était raté. Nous voulûmes repousser le canot, mais sur ces côtes, les rouleaux sont terribles. Après 8 jours de lutte, nous n'en avons pas eu la force. Le reste n'a pas duré 5 minutes. Des policemen fondirent sur nous. Dans Trinidad, il n'y a que policiers et voleurs. Un grand noir frappa sur l'épaule du rouquin et dit « Au nom du roi, je vous arrête !» Il n'avait même pas le bâton du roi, ce macaque-là, mais un morceau de canne à sucre à la main. Ces noirs touchent 3 dollars par forçat qu'ils ramènent. Vendre la liberté de 11 hommes pour 33 dollars, on ne peut voir cela que dans le pays des pouilleux. Alors j'entendis une voix qui montait du 2e forçat et qui disait « Moi, j'ai tué pour moins !» La nuit tropicale tombait tout d'un coup comme une pierre. Les 11 forçats qu'on n'avait pas menottés s'arrangèrent un coin pour le sommeil. Des premières, arrivait un vieux chant fêlé de piano annexe. C'était un air de France, vieilli aux Antilles. On entendait aussi les coups de piston de la machinerie. À 11 nœuds 5, et à des titres différents, le biskra nous emmenait au bagne. Albert Londres.